Avant d'écouter votre podcast, Écosystème nous suggère de faire le vide. Et oui, durant ces deux mois d'été, l'éco-organisme Écosystème nous propose de libérer de nos placards, caves et greniers tous nos appareils électriques hors d'usage pour les recycler. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr. Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. 14e épisode, le Gorille Club. En route vers la Nouvelle-Orléans, où ils espèrent retrouver la trace du professeur Bondana, Frédéric, André et leur fiancée ont, sans le savoir, échappé à la mort. Et grâce à qui ? Grâce à Baruch, le sinistre Baruch, qui est secrètement amoureux d'André de Maubreuil. Pour la sauver, il s'est formellement opposé au projet qu'avaient fait Cornelius et Fritz Kram de faire sombrer l'Arkansas, le paquebot à bord duquel naviguaient nos amis. Alors qu'ils continuaient leur croisière sur le Mississippi, ils ont assisté à l'arrestation de Laure Buridan et du Pau Rouge Cloum, qui viennent de s'échapper de l'île des Pendus, où, nous le savons, mais eux l'ignorent, Prosper Bondana est retenu prisonnier. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il à New York? Entrez. Ah, Oscar, c'est toi. Rentre. Tu peux pas savoir ce que je suis content aujourd'hui. Harry est complètement guéri. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi, mon cher Oscar? Je viens vous demander un congé, monsieur Jorgel. Un congé, tiens-vous. Oui, monsieur, vous savez, j'ai toujours pas abandonné l'idée de retrouver monsieur Bondana. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je voudrais essayer de devenir un membre de la Main Rouge. De la Main Rouge? Rien que ça? Ah, ouais. Dis donc. Dis donc, mon garçon. Tu ne manques pas de courage. Et comment comptes-tu t'y prendre? Ça, c'est simple. Je vais commencer par remettre les haillons que je portais quand vous m'avez rencontré. Et je vais aller traîner mes guettes dans les bas-fonds de New York. Ce serait bien le diable si j'arrive pas à faire la connaissance de quelques trompes, quand même. Mon petit Oscar. Eh bien, je t'admire. Eh oui. Oui. Moi aussi, j'étais comme toi quand j'étais jeune. Bien sûr, je te donne ton congé. Tiens, prends aussi ces quelques billets de $100, on ne sait jamais. Et où comptes-tu aller pour commencer? Non, mais tel que je te connais, tu dois bien avoir une idée, non? Oui, monsieur, mais excusez-moi de ne pas vous la dire, parce que pour que le projet réussisse, il me faut le secret le plus absolu. Ah, bougre, c'est juste ça. Bonne chance, mon petit Oscar. Je t'embrasse. Au revoir, monsieur, à bientôt. Petit, t'as pas 10 cents? Radin! Ouais, quel quartier? Des vanons et pourriture! Rien que des mendiants, des ivrognes, des drogués. Bow Street, c'est dans le coin. Encore un bloc d'immeubles et puis. Voilà, c'est ici. Dis donc, quelle baraque. Vous voyez mon panneau? Le patron pourrait s'en offrir un autre, on peut plus rien lire sur celui-là. Professional School Slery Gorill Club. C'est bien ça. Il paraît que cette école de cirque est fréquentée surtout par des gens du milieu. Allons-y. Un peu de toupet, j'arriverai bien à me faire passer pour équilibriste. Oh, quelle odeur. Voilà. Bureau du directeur. Allez, mon petit Oscar, du courage. Entrez. Entrez, jeune homme. Entrez. Non, ne dites rien, je sais ce qui vous amène. Mais... Un verre de gin? Non? Et tant pis pour vous. Alors, si je comprends bien, vous voulez devenir un artiste. Eh bien, vous avez eu raison de venir ici. Il n'y a pas, dans tout New York, et même dans toute l'Amérique, d'établissement pareil à celui de John Slattery. Oui, John Slattery, c'est moi. Vraiment, vous ne voulez pas de gin? Non. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, oui, vous voulez faire quoi, au juste? Ben, je voudrais surtout prendre des leçons de gymnastique et de voltige, et puis devenir clown, ça me paraîtrait... Clown? Excellente idée, c'est une des spécialités de l'établissement. Et vous me paraissez pouvoir faire un clown de premier ordre. Mais il faudrait vous faire des muscles, jeune homme. Notre époque est l'époque du muscle. Celui qui n'a pas de solides biceps sera foulé aux pieds dans la rude bataille de l'existence. Ah, c'est absolument mon avis, monsieur. Quelles sont vos conditions? C'est $3 par semaine pour les leçons. Et si vous logez ici, c'est $3 en plus pour une chambre très confortable. Et si vous y prenez vos repas, c'est $12 de plus. C'est raisonnable, non? Ah oui, tout à fait. Ben, entendu. Voilà 15 jours d'avance pour la pension complète. Et alors, bienvenue, jeune homme, au célèbre Gorille Club. Venez, je vais vous présenter tout de suite à vos camarades. Voyez, c'est dans cette cour que vous allez travailler. Je l'ai fait recouvrir d'une verrière, mais malheureusement... Avec les exercices que nous faisons, beaucoup de carreaux sont cassés. Et les temps sont difficiles. Alors, vous comprenez... Mais cet homme-là, où il va tomber? Regardez, il tient presque... Oh, non, ne vous inquiétez pas. Et c'est un de nos meilleurs trapézistes. Il se rattrape toujours. C'est une dure école que celle du cirque, savez-vous. Oh, quelle grâce, quelle adresse! Mais qui est cette charmante écuyère? C'est mademoiselle Régine Bombrich. Oui. La fille du célèbre clown. Et ces deux gorilles là, qu'est-ce qu'ils sont drôles avec leurs cigares dans la bouche? Ah, ce sont nos animaux fétiches. Et en fait, le nom de Gorille Club vient d'une troupe de clowns qui se déguisait en singes. Ils avaient un numéro remarquable, à la fois périlleux et comique. Oh, j'aimerais bien faire ça, moi, c'est possible? Ah, pas si vite, jeune homme. Pas si vite. Chaque chose en son temps. Attention, attention, ne marchez pas sur le cul-de-jatte. Oh, pardon, monsieur, je vous avais pas vu. Bon, ben, pas la peine de vous excuser. Il est sourd. Oh, des sœurs siamoises! J'en avais jamais vu. Arrêtez, venez. Vous aurez tout le temps de les rencontrer tous. Venez que je vous présente à monsieur Bombrich. Ah, ben tiens, justement, le voici. Monsieur Bombrich. Et le clown le plus célèbre du monde. C'est lui qui va se charger de votre éducation artistique. Avec un pareil maître, vous irez loin, très loin. Je vous remercie du grand honneur que vous me faites, monsieur Slattery. Mais pas du tout. T'as pas du tout un coup de gin, Bombrich? Avec plaisir. À table! Aujourd'hui, il y a de la morue et des pommes de terre au menu. Oui, jeune homme. Car la sobriété est la première condition. La première condition du succès dans les arts acrobatiques. Allez, venez, vous commencerez à travailler après le déjeuner. Cher Oscar, depuis 10 jours que vous êtes ici, vous avez fait des progrès extraordinaires. Vous trouvez, Monsieur Bumbridge ? Extraordinaire, vous dis-je. Et je m'y connais. Ah bah ça, c'est bien grâce à vous et puis à Mademoiselle Régine, votre fille aussi. Nous allons même pouvoir commencer à mettre au point votre numéro. Tenez, enfilez cette fourrure de gorille. Oh, formidable, c'est mon rêve ! Ouais, voyons ça. Mais elle vous va très bien. Tournez-vous. Parfait. Tiens, voilà Monsieur Sleary. Monsieur Sleary ! Vous ne l'avez pas vu, Oscar ? Mais je suis ici, devant vous. C'est vous. Eh bien, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Sûrement quelqu'un de l'aristocratie. Enfin, vous voyez, il est arrivé dans une automobile luxueuse. Ce monsieur voudrait vous voir, Oscar, voilà. Moi ? Et oui, vous. Il est dans mon bureau. Je lui ai offert un verre de vin en attendant. Mais... Tenez, venez. Agénor, quelle surprise! Je vous demande pardon, mais à qui ai-je l'honneur? Mais... Ah oui, excusez ce déguisement, mais c'est mon costume de travail. Ah, Oscar! Eh oui! Et puis, je vous offrir un verre de gin à tous les deux. Ah non, merci, monsieur. Merci, Sleary. Bien, un petit verre. Non, merci, monsieur. Écoutez, mon ami Agénor et moi, nous avons à bavarder. Ah, ben c'est bon. Je vous laisse. Merci. Il est assommant, ce vieil ivre. Il est tellement imbibé d'alcool que je suis sûr qu'il prendrait feu comme un pont si on approchait une allumette. Enfin, qu'est-ce qui se passe à Agénor ? Il y a des ennuis ? Des ennuis, pas vraiment, mais vous n'avez pas lu les journaux ? Bah non, que se passe-t-il encore ? Tenez, lisez, vous comprendrez. Un drame sur le Mississippi. Un prétendu lord jette le chauffeur d'un yacht en pâture au Caïman. Ce dangereux aliéné qui prétend s'appeler Lord Buridan... Et son compagnon, un indien du nom de Clou, mais c'est une nouvelle extraordinaire, Agénor. Oui. Vos amis ne sont donc pas morts dans le naufrage du Ville de Frisco, mais c'est une bonne nouvelle, non ? Oui, bien sûr, seulement, voilà, Lord Buridan n'a pas pu faire la preuve de son identité, car c'est moi qui ai conservé tous ses papiers. Mmh. Il a seulement réussi à convaincre le consul d'Angleterre de la Nouvelle-Orléans de le faire juger à New York. Les juges ont conclu à l'aliénation mentale et les ont fait enfermer tous deux au Lunatic Asylum de Greenaway. Oui, mais avec les papiers que vous avez. Mais à l'ambassade d'Angleterre, ils n'ont même pas voulu m'entendre. Bah, demandez à Monsieur Fred Yorgel, il doit pouvoir faire quelque chose, lui. J'ai bien pensé, mais justement, il n'est pas là. Il est parti en voiture avec Miss Isidora et Monsieur Harry à la rencontre de vos amis qui reviennent de la Nouvelle-Orléans, où ils n'ont rien trouvé, d'ailleurs. Bah, ça, je m'en doutais. Bah, il y a qu'à attendre le retour de Monsieur Fred Yorgel. Mais justement, on ne peut pas attendre. Lord Buridan doit être extradé vers l'Angleterre d'un jour à l'autre. Vraiment, je ne sais pas quoi faire. Mais bien sûr. Mais là, voilà la solution. Vous avez une idée ? Elle m'est venue en vous regardant, Oscar. Je vais vous faire enfermer au Lunatic Asylum. Quoi ? Avec votre déguisement, vous passerez facilement pour un fou. Ah ! Et en plus, ça doit être un jeu pour vous d'escalader une muraille ou de franchir une grille. Hein ? Ah, ça, c'est sûr. Eh bien, vous allez faire évader Lord Buridan et Clum. Je vous donnerai une bonne lime... Un revolver et $1, et si avec ça vous ne réussissez pas, ce sera peut-être difficile, mais je veux bien essayer. Ah. c'est ici. Bah dites donc, c'est pas très bien entretenu, cet asile. Quel désordre. Oui, depuis qu'ils ont changé de directeur, il paraît que ça va de mal en pis. Le nouveau directeur est, dit-on, un ancien jockey. Alors, il joue tout l'argent du lunatique asylum aux courses. Tenez, voilà son bureau. Et entrez. Mais c'est pas un zoo ici, c'est un asile. Allez, sortez tout de suite avec ce singe. Ça n'est pas un singe, cher monsieur Palmers. C'est mon neveu. Oui, c'est pour cela que je vous l'amène. Ah. Il a pris l'inoffensive habitude de se prendre pour un singe. Alors, il grimpe aux arbres, il mange des cacahuètes, et il fait la fruste grimace du matin au soir. Et oui. Alors, j'ai pensé que dans votre établissement... Et vous avez tout à fait raison de vous adresser à moi. Ah. Nous le guérirons très vite. Ah. Seulement, ça va coûter cher. Ah, aucune importance. Voyons, mon neveu, voyons. Tenez, voici $500 en attente. Alors, soyez assurés que votre neveu sera très, très bien soigné, que nous le guérirons. Alors, je vous le laisse. Au revoir, monsieur mon neveu, et tenez-vous tranquille. Alors, mon garçon, non. Mais attention, l'encrier! Oh, mon bon journal! Il a renversé toute l'encre sur les pronostics des courses. Oh, la sale bête! Oh, mon journal! Ah non, ne déchire pas! Journal! Non! Rugby! Rugby! Vous m'avez appelé, monsieur Palmer. Oui, Rugby, oui. Oui, enfermez-moi tout de suite cette sale bête dans une cellule du pavillon des agités. Et mettez-le au pain et à l'eau. Ah, mon bonhomme, tu vas voir, moi. Je vais t'apprendre à faire le singe, moi. Allez, avance. Mais où vas-tu? Veux-tu descendre de cette grille? Veux-tu? Bon, sale bête. Allez, descends. Oh là là là là, quel métier! Oh, allez, oust! Allez, rentre là-dedans! Maintenant, bonne nuit! Oui, tu peux faire le singe tout à ton aise! Bon, il fait nuit, tout le monde dort, c'est le moment. Allez au boulot, Oscar! Et merde, cette fichue lanterne électrique s'est coincée dans ma doublure. Ah, la voilà. Le tournevis, la lime, et tout y est. Allons-y. Facile. Pas très solide vos serrures, monsieur le directeur. L'orburidan doit être enfermé dans une de ses cellules. Personne. Rien à la suivante. L'orburidan! Vous voulez pas me laisser dormir, non? Non, mais c'est pas l'orburidan, ça. L'orburidan! Qui va là? Quel est le gredin qui se permet de couper le sommeil de ma seigneurie? Mais vous êtes bien l'orburidan? Évidemment, je suis l'orburidan. Mais taisez-vous. Voulez-vous que je sois, morbleu? Taisez-vous. Je viens de la part de votre ami Agénor Marmousier. Agénor? Ce cher Agénor, il est donc vivant? Ah, comme je suis heureux! Mais enfin, criez pas si fort, vous allez réveiller tout le monde. Votre ami m'a chargé de vous faire évader. Ah, je comprends. Très bien. Que faut-il faire? Prenez cette lime et ce tournevis. Tenez, je vous les passe à travers le judas. Bon, je les tiens. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Bah, c'est facile, vous dévissez la serrure. Dévisser la serrure. Voilà. En effet. C'est un jeu d'enfant. Merci, mon ami, merci. Mais au fait, à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Oscar. Oscar Tournesol. Eh bien, merci, mon cher Oscar. Bien, il s'agit maintenant de délivrer mon ami Klum. C'est la cellule à côté. Venez. Klum. Hein? Chut. Klum. Oui. Viens, Klum. Prends ce tournevis et cette lime. Ah. Bon, ouf. Maintenant, faut pas nous éterniser. Vous voyez cette grille au bout du couloir? Il suffit de passer par-dessus pour nous retrouver dans la cour. Et ensuite, ce sera très facile de sauter le mur. Oui, impossible. Ces gentlemen de la police m'ont caressé la jambe d'un peu près au cours d'un de leurs interrogatoires amicaux. Et je n'y arriverai jamais. À mon avis, le plus simple est de sortir par la porte. Mais par la porte, mais comment? C'est très simple, vous allez voir. Clou. Oui. Va chercher les cordes qu'ils ont mis dans ma cellule pour m'attacher. Ah, oui. Brave Klum. Oh, tu les as? Très bien, très bien. Nous allons nous mettre à hurler comme si nous étions pris d'une crise de démence. Vous allez voir, tous les fous vont s'y mettre. Ça va être un beau concert. Le premier gardien qui arrive... Klum l'assomme et le ligote. Et on lui prend ses clés. Tu es prêt, Klum? Je suis prêt, maître. Alors, allons-y. Attention! Attention, voilà un gardien! Allez! Hein? Il n'a pas de clé! Qu'est-ce que j'en fais? Ah, mets-le dans ma cellule! Allez, on continue! Attention! Attention, voilà un autre gardien! Toujours pas de clé! Ah, le gardien-chef finira bien par arriver! Allez, les fous! Allez, les fous, plus fort! Attention! Attention, Klum! Voilà le gardien-chef! J'ai la clé! Bah maintenant, il ne reste plus qu'à filer, alors! Attends, une minute! Il ne sera pas dit que je quitterai cet endroit sans me signaler par quelques hauts faits. D'abord, nous allons libérer les aliénés! Silence! Silence! Mes amis, ce soir est un grand jour. Monsieur Palmers a décidé de vous laisser réveillonner chez lui. Silence. Nous allons donc ouvrir les portes de vos cellules. Rendez-vous tous chez Monsieur Palmers. Silence. Ouvrez les cellules. Silence. Tout le monde est sorti. Et maintenant, au réveillon. Attention, voilà Monsieur Palmers. Vous allez payer ça, tous dans vos cellules, immédiatement, ou j'appelle la police. Klum, vite, prends-lui son Browning et empêche-le de fuir. Très bien. Monsieur Palmers, c'est un misérable qui nous fait manger des haras et de la charcuterie pourrie à longueur d'année. Qu'on répande. Qu'on le fasse rôtir. Il faut le goudronner. Oui, non, je vous promets que je n'appellerai pas la police et que vous mangerez mieux à partir de maintenant. Je vous promets. Bon, voilà assez. Filons maintenant, allons-y. Intérêt à s'attarder ici. On dirait vrai que quelqu'un nous suive. Oh. Mais oui, en effet, c'est un des pensionnaires de l'asile. Oh, il manquait plus que ça. Et il n'a pas l'air de vouloir nous quitter. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ma foi, je ne sais pas. Il faut s'en débarrasser. Doucement, Clonch. Un fou avec nous, c'est comme un poignard sous le pied d'une antilope. Allons, mon vieux. Va-t'en. Retourne à l'asile. Mieur, je vous en supplie. Gardez-moi avec vous. Ne me renvoyez pas dans cette prison. Je vous gênerai pas. Je ferai ce que vous voudrez. À ma foi, ce pauvre diable a l'air bien inoffensif. Bien, gardons-le pour le moment. Nous verrons bien plus tard. Attention, une voiture. Formidable, on est sauvés, Sergino. Ah, Génor, mon cher Génor, comme je suis heureux de vous retrouver vivant. Et moi qui pleurais votre mort. Mais moi aussi. Il faut que vous me racontiez tout ce qui s'est passé. Oh, plus tard, Miller, plus tard. Pour le moment, il est urgent que vous quittiez les États-Unis. Demain, toutes les polices de l'Union vont se mettre à votre poursuite. Oh, je suis sûr que vous nous avez préparé une évasion digne de votre imagination, mon cher Génor. Je n'ai pas eu beaucoup le temps d'y réfléchir. Je vous emmène tout simplement à Grand Central Station, où il y a un train qui part dans 15 minutes pour Montréal. Je sais que vous avez des propriétés là-bas et que vous y serez en sûreté. Oui, c'est vrai, mais ils me croient tous morts. Et je suis sûr que mon cousin, cet horrible avare, Mathieu Fless, s'est déjà emparé de toutes mes propriétés. Et comme je n'ai aucun papier pour prouver que je suis bien moi... Mais voici vos papiers. J'ai pu les sauver du naufrage. Quand je disais que ce cher Agénor pense à tout. Cet homme au visage si triste qui est avec vous, un de vos amis? Ça? Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. C'est un fou qui s'est évadé du Lunatic Asylum avec nous. Bien, au fait, je ne sais même pas son nom. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Je ne sais pas. J'ai oublié mon nom. J'ai tout oublié. Je ne sais même pas qui je suis. Oh, il est amnésique. Oui, c'est cela, amnésie. C'est comme cela qu'ils appellent ma maladie. Ils disent que je ne guérirai jamais. Mon pauvre ami. Ah, si seulement Bondona était ici, je suis sûr que lui, il pourrait vous guérir. Quoi, vous connaissez le professeur Bondona? Si je le connais. Et nous étions prisonniers ensemble, et c'est même grâce à lui que nous avons réussi à nous évader avec Cloum et Pistolet. Pistolet aussi, mais où sont-ils? Mais dites vite! Ah, Pistolet, hélas. Quand nous avons atterri dans ce village de nègres qui nous ont attaqués... disparu. Mais le professeur, où est-il? Où est-il donc? Il est resté dans l'île des pendus. En voiture! En voiture! Les voyageurs pour Montréal, en voiture, s'il vous plaît. Bon, montez dans votre wagon. Je vous quitte. Lord Buridan aura tout le temps de vous expliquer ses aventures jusqu'à Montréal, Oscar. Surtout, dès que vous serez arrivé, écrivez-moi pour me dire où vous êtes. Et voilà, Oscar sait maintenant que Prosper Bondona est prisonnier de la Main Rouge dans l'île des Pendus. Réussira-t-il à prévenir ses amis? Vous le saurez en écoutant la suite du maladroit docteur Cornelius. Prochain épisode, pour une femme. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Le Rouge. 14e épisode, le Gorille Club. Avec William Corinne, Pierre Vanek, André Weber, Yves Arcanel, Julien Guillaumard. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 16 janvier 1978.